unis pour notre meilleur et pour ton pire. Quitte à transformer le fast-food en stand de tir. Caisse pourrie et des flingues forment l'emblème de ma confrérie. Affronte les problèmes depuis l'époque des confiseries. Dans l'histoire de ma vie, d'étranger au sommaire. M'appelle pas mon frère parce que t'insultes ma mère. Froid comme un glaçon, oublie les francs, je suis africain maçon. Mourir ici t'as 93 000 façons. Ne parle pas du code pénal. Drive by à la vie, à la mort. Loin de nous tous bordel de code pénal. Se serrer les coudes et se tenir le pont. Une philosophie, soit tu roules avec nous, soit tu nous cires les pompes. Je mesure la bravoure de mes gars en pesant, leurs couilles imposant. Gabarit, vas-y, ramasse les douilles. Quête le cortège, on fait pas tête, patate, te pète une patate. Pas le terrain ici, ton corps stège. La haine des pigeons et du poulet dans le poulailler, quatre renards. Drive-by, ferme un rêve pour d'autres, elle causera. Pas un membre de l'opposition. Si le chétan pouvait lire dans nos pensées, il poserait sa lettre de démission. Ça vient du Zaïre, Congo, Maroc, Cameroun, du brolique. À la patate, on termine jusqu'au dernier rang. Pas un membre de l'opposition. Si le chétan pouvait lire dans nos pensées, il poserait sa lettre de démission. Ça vient du Zaïre, Congo, Maroc, Cameroun, du brolique. À la patate, on termine jusqu'au dernier rang. Écoute. Écoute garçon, range ta main, ne confonds pas. Comprends bien, pas venu ici muni de Kodak pour les tatas. Blanchir notre cache-cache comme les Grecs et la caisse. Dans ta tête, illégale musique atteste. Car tu le sais, on sait qui sont les vrais bonhommes et ceux qui puissent assis. Les narrateurs et ceux sur le terrain balèzes, balèzes. Sans protéines, Irix, toxique, indélébile, master. Arracheur de mic anti, rappeur de ballerine, t'as peur, hein. Si, si, ici, on prêche que le vrai pour les refrais, c'est canal historique, c'est drive-by, drive-by, l'unique, uni, sur le beat, tu me comme sur le ring. Fidèle, fidèle à l'appel, assis sous A4, on traumatise quand on milite dur, dur. De rester pisse, quand la vérité se voit, on réécrit l'histoire à coup de scalpel. En bref, drive-by c'est les mêmes dans le rap comme dans la vie. Pas besoin bling bling pour être une étoile. Drive-by. Pas un membre de l'opposition. Si le chétan pouvait lire dans nos pensées, il poserait sa lettre de démission. Ça vient du Zaïre, Congo, Maroc, Cameroun, du brolique. À la patate, on termine jusqu'au dernier rang. Drive-by, membre de l'opposition. Si le chétan pouvait lire dans nos pensées, il poserait sa lettre de démission. Ça vient du Zaïre, Congo, Maroc, Cameroun, du brolique. À la patate, on termine jusqu'au dernier rang. Drive-by, fils de, le doigt en l'air, on nique là. On joue pas de flûte, on joue du. Si t'es blessé, c'était notre pute. Les textes sont durs, la lourdeur a subi pas de porter un blaze. Alors on la suit, je mets la capote sur le fer. Le Beretta dans l'holster. Marson, cocaïne, c'est pas des potes, c'est des frères. Quoi? Tu nous insultes, tu finis geisha. Toutes les langues de pute ont donné leur langue au chat. Quand t'as choisi entre le schneck et les guerriers, à ce que je sache, les miens se mouillent une chatte. Ça sèche par manque de cash. Je me demande pas d'où je viens, je suis un pur produit du 9 cul. Tu peux m'y retrouver en roue arrière sur un 1000 cm cul. J'ai lancé une fa à toi sur les MC. Ma banlieue parle à certains pas toi, B Super Nani, ta M6. Des barres dans le ventre et sur les pecs. Funèbres sont les pompes, soit tu les cires, soit tu les tiens, mec. Drive-by, membre de l'opposition. Si le chétan pouvait lire dans nos pensées, il poserait sa lettre de démission. Ça vient du Zaïre, Congo, Maroc, Cameroun, du brolique. À la patate, on termine jusqu'au dernier rang. Drive-by, membre de l'opposition. Si le chétan pouvait lire dans nos pensées, il poserait sa lettre de démission. Ça vient du Zaïre, Congo, Maroc, Cameroun, du brolique. À la patate, on termine jusqu'au dernier round. On en viendra à bout, on les mettra en pièces. C'est terminé, maintenant c'est notre tour. Dehors, il y a plein de gars qui font la queue pour passer de notre côté. Qui c'est qui commande? S'ils commandent tous, alors personne commande. J'aime bien cette idée d'être nous seuls contre tous. Ce sera la guerre, mais ça durera pas longtemps. Ce sera notre guerre contre eux, pas eux contre nous. À partir de maintenant, les décisions, on les prendra tous ensemble. Personne n'agira plus de façon isolée. Maintenant, on est une entreprise.